La religion dicte nos lois. On l'entend mais ne la comprend pas. Tout est simple car tout est écrit. On n'a qu'à suivre ce qu'elle nous dit. Mais sommes-nous comme des enfants qui obéissent à leurs parents? Il faut user du raisonnement, écouter ses sentiments. La religion divise les peuples. On a tous le même sens. On se déchire au nom de Dieu. Mais c'est au seul vent qui il est. Et si l'on s'aimait au nom des hommes? Meurt.